Bonjour. Bière, s'il vous plaît. Bonjour. Une bière, s'il vous plaît. Bonjour. Une pierre, s'il vous plaît. Jetez-moi une pierre. Franchement, je le mérite. Je le mérite. Regardez comment je traite les gens. Je prends mon cas pour des généralités. Même si je sais pertinemment que c'est faux, je profite du système pour écraser les plus faibles. Tout ça dans le seul but de m'enrichir et d'enrichir des gens qui ne sont même pas mes amis d'ailleurs. À quoi est-ce que je sers? À rien. Vous pourriez très bien vivre sans moi. Mais bon, c'est la vie. Il y a les riches et les pauvres. Et les riches sont moins nombreux, donc il faut qu'on se serre les coudes. Vous comprenez? Il faut qu'on se serre des coudes. On se serre des coudes. Merde. Il faut qu'on se serre les coudes. Et qu'on vous serre les couilles. Ok. Je suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Je suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Je suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Faut pas déprimer. Vous déconnez ou quoi? Avec tous les privilèges. Merde. Faut pas déconner, mais enfin, mais vous déconnez, vous déconnez, vous déconnez, les amis. Regarde, comment cette baguette de pain française. Ah, c'est vrai goût du terroir de la France. C'était les valeurs pour lesquelles je me battais. Pourquoi je mange du pain quand je pourrais boire un bon pinard? Regardez, regardez, un bon pinard français. Désolé pour tes oreilles. Faut pas te déprimer. Non mais vous déconnez ou quoi? Avec tous les privilèges que j'avais. Alors ça, c'est une grosse erreur parce que en vrai, il dirait jamais qu'il était privilégié. C'est ça le truc. Moi, je voulais sauver la France, vous comprenez? Faut pas déprimer. Vous déconnez ou quoi? Avec tous les privilèges que j'avais. En même temps, je suis toujours riche, hein, quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est une blague? Vous savez qui je suis? Mais moi, je vais vous péter la gueule, moi. C'est une blague? Vous m'avez bien regardé, vous savez qui je suis? Non, il a raison. J'ai chié dans la colle. Le pouvoir, ça vous enivre. Ça vous rend fou. Je veux dire, essayer d'être fou sans pouvoir, c'est chiant. Personne ne vous écoute. Non, mais il a raison. J'ai complètement chié dans la colle. Le pouvoir, ça vous enivre. Ça vous rend fou. Oh oui. Comme Suzanne d'ailleurs. Oui, ma secrétaire. Et Suzon aussi. Son frère. Mon autre secrétaire. On a passé des bonnes soirées ensemble. Putain, j'aurais dû reprendre ce poste. J'aurais dû gagner ces élections. J'aurais pu faire des soirées avec Suze et Suze. J'adore quand Suze et Suze me sucent. C'était si bien. Je devais vraiment pas être aimé. Bon, j'ai l'impression que je devais pas être aimé, hein. Je devais vraiment pas être aimé. Mais depuis quand on devrait vous écouter en fait? Mais depuis quand on devrait vous écouter en fait? Mais je sais ce qui est bon pour vous, moi. Mais je sais ce qui est bon pour vous, moi. Bah moi, je sais ce qui est bon pour vous. Mais c'est là où vous faites erreur, parce que moi, je sais ce qui est bon pour vous. Mais je sais ce qui est bon pour vous, en fait, moi. Non? Personne? Non? Mais comment je sais ce que vous voulez alors? Mais comment je sais ce que vous voulez? Ça marche pas les référendums. Ça fait depuis 2005 qu'on n'en a pas fait, c'est bien la preuve. Ça marche pas les référendums. Mais ça marche pas les référendums. Ah ouais, c'est petit ça. Hey, oh, on se calme? Ah non, attends. Oh, c'est petit ça. Oh, c'est très bas ça. Oh, et c'est un peu ridicule, hein. Comme ça, on peut dire que son propre score était ridicule. Voilà. Ah putain, c'est la haine, ça me fout la haine. Et c'est ça qui me fout la haine. C'est ça qui me fout la haine. Merde. Ouais, mais pas contre un diable de Tasmanie. Poulet. Putain! Ça arrive de perdre. Hein. Ouais, mais pas contre un diable de Tasmanie. Putain! Merde à la fin! Je crois que je suis saturé. Non, même pas. Didier, ex-président. C'est marrant, c'est vous donnez mon nom comme si c'était mon nom dans le script. Bien vu. Je suis en face, hein, je vous signale. Je dis ça comme ça. Hein. Je suis en face, hein, je vous signale. Alors, je vous ferai remarquer que je suis juste en face de vous, en fait. J'en ai rien à foutre. Oh, c'est fini? Putain! Ok, bah voilà, j'ai fait les deux. Je vais t'envoyer ça tout de suite.